carrière au loup, mon frère. C'est la carrière au loup. Là se rassemblent les compères, la confrérie des loups. Traverser la forêt profonde, des contes et des ronds. Les hommes ont trop peur de leur ombre, pour compter dans leur nombre. Les loups se ressemblent, le temps les rassemble. Les loups se rassemblent, avec le temps se ressemblent. C'est la fontaine aux loups, mon frère. C'est la fontaine aux loups. Là se retrouvent les sorcières, chaudron, potions amères. Pas un seul pas vers la Louvière, le rassemblement des loups. Au clair de lune, le loup choisit sa femelle pour la vie. Les loups se ressemblent, le temps les rassemble. Les loups se rassemblent, avec le temps se ressemblent. Ça c'est un cœur de loup, mon frère. Ça c'est un cœur de loup. Mâle et femelle font la paire, ensemble jusqu'au bout. Le beau miroir clair de leurs yeux, au fond des étoiles bleues. Les deux compagnons de voyage ont une seule âme sans âge. Les loups se ressemblent, le temps les rassemble. Les loups se rassemblent, avec le temps se ressemble. Le rendez-vous des loups, mon frère. Le rendez-vous des loups. Le chef de clan dans la clairière sonne le rassemblement. C'est la clairière aux loups, mon frère. C'est la clairière aux loups. Se rassemblent les compères, la confrérie des loups. Les loups toujours se rassemblent pour la ronde des loups. Les loups toujours se rassemblent pour la ronde des loups.